Today, 8th of June, year 2040. So in Dhammaransi Meditation Center in Belgium. So first of all, want to express you very good morning. I'm very glad to see you all here. I'm very keen to learn the real Buddha's teaching. Nous sommes aujourd'hui le 8 juin 2014. Nous allons diriger ici au centre Dhammaransi de Belgique une retraite d'une semaine. Je vous dis tout d'abord à tous bonjour et je suis très heureux de vous voir rassemblés tous ici pour étudier l'enseignement du Bouddha authentique. Donc ce que nous allons faire ici pendant ces 8 jours, c'est étudier et pratiquer le véritable enseignement de Vipassana, la méditation de la vision pénétrante. La signification de Vipassana, c'est de se comprendre soi-même. Il est nécessaire que nous nous comprenions nous-mêmes. Il est nécessaire que nous comprenions en quoi nous consistons réellement, en quoi consiste réellement notre vie. Nous allons développer Panya, et Panya est un mot pali qui veut dire compréhension. Pour que Panya, la sagesse, puisse se manifester, il faut installer les bases, c'est-à-dire la moralité. Nous venons de prendre 9 préceptes. Je pense que vous avez tous compris en quoi consistent ces 9 préceptes. Donc, vous avez tous compris ces 9 préceptes. Nous nous sommes engagés face au Bouddha à nous abstenir de tuer, à nous abstenir de voler, à nous abstenir d'activités sexuelles, à nous abstenir du mensonge, à donc dire la vérité, à nous abstenir de toute espèce d'intoxicant, qu'il soit liquide ou solide, tout ce qui tente à assombrir l'esprit. Nous nous sommes engagés à ne pas prendre de nourriture solide après 12 heures. Nous nous sommes engagés à ne pas chercher à nous divertir par la danse, par la musique, à ne pas vivre dans le luxe et à pratiquer constamment metta, l'amour bienveillant. Et nous nous sommes engagés à essayer de respecter ces préceptes moraux et d'être très attentifs à le faire pendant toute la journée. Donc la moralité, Sila, c'est le fondement de la pratique. La méditation, c'est essentiellement une activité de l'esprit, c'est un effort mental. Nous allons fournir un effort mental pour développer l'attention, la concentration et la compréhension de la réalité. Mais pour réussir à faire surgir cette compréhension, cette sagesse, il faut que l'esprit soit pur et qu'il soit paisible. Si nous ne respectons pas les préceptes moraux, nous les rompons, nous allons introduire de l'agitation dans notre esprit et il deviendra dès lors très difficile d'atteindre la concentration. C'est la raison pour laquelle il est crucial et très important de respecter les préceptes moraux. Cette retraite de méditation est très courte, nous ne disposons que d'une semaine. Nous ne devons donc pas ménager nos efforts pour travailler sérieusement et faire attention à ne pas rompre les préceptes moraux. J'espère qu'au cours de cette retraite de 7 jours, vous réussirez à expérimenter au moins le goût de la méditation Vipassana. Nous allons faire un effort pour développer notre connaissance, pour apprendre. Nous ne sommes pas ici pour être paresseux. Donc, quel que soit le travail que l'on entreprend, il faut toujours connaître la méthode et dans quel but on entreprend ce travail. Et ceci est vrai pour la méditation également. Il est très important que les yogis comprennent la méthode et le but de cette pratique. Hier et avant-hier, vous avez entendu les instructions pour la méditation assise, pour la méditation en marche, pour la méditation dans les activités quotidiennes. Vous avez compris donc qu'il faut toujours être attentif, il faut se comporter de façon lente, avec précision, observer sans arrêt, étiqueter les phénomènes. Vous allez ainsi petit à petit amener la paix dans votre esprit, les pensées et l'agitation vont disparaître de l'esprit, l'esprit sera contrôlé. Une fois que l'esprit sera contrôlé, vous pourrez commencer à construire votre concentration. Donc la concentration, c'est la fixité de l'esprit sur un seul point. Ceci est très important. La concentration doit être présente. En général, l'esprit est très agité, il vagabonde de tous côtés. Et si c'est le cas pendant la méditation, vous aurez des doutes. Donc, le premier travail va consister à fournir un gros effort pour développer l'attention et la concentration. Sans effort, il ne sera pas possible de développer ni l'attention ni la concentration. La concentration est cruciale. Elle est nécessaire quel que soit le travail que l'on fait. Il faut toujours que la concentration soit présente si on veut obtenir des résultats. Et vous serez probablement fatigué à cause de cet effort que vous allez fournir. Mais ne vous en faites pas pour cela. Votre but, c'est de développer ces facteurs pour réussir à voir les choses telles qu'elles sont réellement, pour voir en quoi consiste réellement votre vie. Donc si vous êtes fatigué, ne vous en faites pas. Lorsqu'on dit que notre but c'est de comprendre la vie elle-même, la vie c'est essentiellement les six contacts sensoriels. Ce sont les contacts avec l'œil, avec l'oreille, avec le nez, avec la bouche, avec le corps et avec l'esprit. C'est cela la vie, telle que nous l'entendons ici. Nous allons essayer de comprendre l'interaction entre les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux, entre le corps et l'esprit. L'esprit travaille sur base de ces six contacts sensoriels. Nous allons étudier ces choses, non pas de façon intellectuelle, ce ne sera pas une imagination, ce ne sera pas une spéculation, une étude théorique. Tout ceci va être observé dans l'instant présent, au moment même où nous expérimentons ces choses dans notre corps et dans notre esprit. Nous allons observer attentivement la façon dont nous ressentons tout cela, la façon dont nous percevons tout cela à l'intérieur de nous dans l'instant présent. Donc pour réussir à comprendre, il faudra observer. Mais cette observation ne devra pas être superficielle, elle devra être pénétrante. Vous avez entendu les instructions, vous devez vous choisir un objet primaire d'attention, les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. C'est donc votre objet primaire d'attention. Chaque fois que vous inspirez, l'abdomen va se soulever. Chaque fois que vous expirez, l'abdomen va s'abaisser. Cette respiration est toujours présente en vous, sinon vous seriez mort, et donc les mouvements de l'abdomen sont toujours présents en vous également. Il faudra donc observer sans arrêt ces mouvements de l'abdomen. Mais il faut faire attention de ne pas contrôler ces mouvements. Il faut simplement suivre les mouvements tels qu'ils se manifestent naturellement. Vous ne devez pas forcer, vous ne devez pas chercher à ralentir ou à accélérer votre respiration. Vous devez simplement suivre ces mouvements tels qu'ils se manifestent naturellement. Et en même temps, vous devez étiqueter ces mouvements. Si vous n'étiquetez pas les phénomènes, il est fort probable que votre esprit se mette à vagabonder très rapidement. Vous observerez une ou deux fois, mais après, l'esprit va se mettre à penser. Ces mouvements de l'abdomen et la respiration donc ont eu lieu de tout temps. Dès la naissance, le bébé se met à respirer, mais tout cela se fait sans qu'il en soit conscient. C'est quelque chose de très naturel, mais dont on n'est pas conscient. Ici, nous allons apprendre à être conscient de ces mouvements. Nous allons apprendre à observer attentivement le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. Et si nous faisons cela, c'est dans le but de renforcer notre concentration, de renforcer la puissance de l'esprit. Pour y arriver, il est nécessaire d'étiqueter ces phénomènes. Il faudra essayer de maintenir l'esprit le plus longtemps possible sur l'objet. C'est de cette façon que nous allons réussir à développer notre concentration. Plus nous maintenons l'esprit sur l'objet, plus la concentration se développe. Il faut savoir que si la concentration n'est pas développée, sans concentration, il est impossible de comprendre. Nous allons alors tout simplement perdre notre temps. Efforçons-nous donc de maintenir notre esprit le plus longtemps possible sur l'objet d'observation de façon à faire surgir la concentration. Dès que la concentration sera devenue puissante, nous comprendrons clairement le corps et l'esprit. Donc, en posture assise, nous avons l'objet primaire, ce sont les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Mais il y aura également des objets secondaires. Mentionnons tout d'abord les sensations désagréables, les douleurs. Il est fort probable qu'après une heure en posture assise, le méditant commence à expérimenter des sensations douloureuses. Pour un débutant, il les expérimentera peut-être après une demi-heure déjà. Lorsque la douleur se manifeste, comme par exemple des engourdissements, des tensions, des pressions, lorsque donc ces choses se manifestent quelque part dans le corps, essayez de revenir tout de suite à l'abdomen, à l'objet primaire. Vous recommencez à observer les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Cette douleur va peut-être disparaître d'elle-même. Mais si la douleur est très prédominante, qu'il n'est pas possible pour vous de maintenir votre esprit sur l'abdomen parce que la douleur l'attire constamment, vous abandonnez carrément les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen et vous choisissez cette douleur, cet objet secondaire, comme objet d'observation. Vous devez observer avec précision, de façon pénétrante et sans arrêt, à quel endroit exactement se manifeste-t-elle, comment se comporte-t-elle. Cette sensation douloureuse, cette douleur, est en fait un ressenti, une sensation, et elle fait partie de votre vie. Il faudra donc comprendre que le corps change et que les sensations changent. Il faudra comprendre que ce sont deux choses différentes. Le corps, c'est Kaya Nupassana, la contemplation du corps, ce sont les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Les sensations, c'est Vedana Nupassana, la contemplation des sensations. Toutes ces instructions ne viennent pas de Mahasi Sayadaw lui-même. L'enseignement de Mahasi Sayadaw s'enracine dans les suttas, donc dans les enseignements du Bouddha lui-même. Ces instructions viennent donc du Bouddha lui-même. Il y a donc l'objet primaire, c'est le corps physique. Il y a des objets secondaires, comme par exemple les douleurs, ce sont les sensations. Mais il y en aura d'autres, comme par exemple la somnolence et la torpeur. Lorsque la somnolence et la torpeur envahissent l'esprit, le méditant ne voit plus clairement les objets. Et il n'est plus en mesure de comprendre. Il perd alors son temps s'il continue à somnoler. Il faudra donc que le méditant identifie cet état d'esprit comme étant un empêchement à la concentration, un empêchement au progrès. Il doit observer de façon très précise cet état d'esprit, cette somnolence. Si sa concentration est forte, il va réussir à la voir disparaître. Il revient alors au mouvement de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Mais si sa concentration est insuffisante, ce sera difficile de faire disparaître cette somnolence. L'esprit va flotter à la surface des objets et ce méditant ne réussira pas à comprendre les phénomènes, à comprendre la vie. Il y aura également un autre empêchement, c'est l'empêchement de l'agitation. Vous pensez beaucoup, votre esprit vagabonde constamment, il ne réussit pas à attraper les objets. Vous devez alors comprendre que l'esprit et le corps ne sont pas synchronisés. Vous êtes pris par l'empêchement de l'agitation. Vous devez noter, faire des plans, réfléchir, analyser. Tout cela, c'est donc l'agitation. L'esprit ne reste pas sur l'objet. Si donc vous constatez que votre esprit s'est mis à penser, à vagabonder, à faire des plans, à analyser, vous devez noter de façon répétée, penser, penser, analyser, analyser, réfléchir, réfléchir, jusqu'à ce que l'esprit se calme et vous revenez alors au mouvement de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Lorsque nous notons penser, penser, penser, il faut bien comprendre qu'il ne faut pas s'occuper du contenu de cette pensée. C'est le processus de la pensée qu'on note. Ceci est très important. Il y a deux choses au moment où on pense. Il y a l'objet auquel on pense et il y a l'esprit qui pense. Imaginons par exemple que nous pensions à un ami. L'ami, c'est l'objet et l'esprit qui pense, c'est donc le processus de la pensée. Et lorsqu'on médite, c'est ce processus de la pensée qu'il faut noter. Il ne faut pas s'occuper de l'objet, du contenu de la pensée. Si nous réussissons à noter, penser, penser, en observant le processus même de la pensée, nous pourrons constater que ce processus disparaît, ce phénomène disparaît. On appelle cela Cittanupassana, la contemplation de l'esprit. Lorsque l'esprit qui pense a disparu, on revient à l'abdomen. Donc, en posture assise, nous aurons quatre objets. Il y aura d'abord l'objet primaire, les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Ensuite, il y aura les douleurs, les sensations désagréables. Il y aura les empêchements, et notamment la somnolence et la torpeur, et l'agitation, le fait de penser beaucoup. Efforçons-nous donc de développer notre pratique en observant constamment l'objet primaire ou les douleurs si elles sont prédominantes. Et essayons d'éliminer de notre esprit les deux empêchements que sont la somnolence et l'agitation. Si nous ne réussissons pas à surmonter cette somnolence et cette agitation, nous ne réussirons pas à développer la compréhension, nous ne comprendrons ni notre propre vie, ni Vipassana. Efforcez-vous donc pendant ces 7 jours de pratiquer de façon sérieuse et pénétrante afin de récolter les bénéfices de la pratique. Essayez de maintenir le plus possible votre esprit sur l'objet primaire. Essayez de ne prendre qu'un seul objet à la fois. Si vous prenez plusieurs objets, l'agitation va s'introduire dans votre esprit. Essayez donc de bien voir les objets séparément, de façon à faire surgir la concentration. C'est comme si vous aviez là, à votre disposition, une dizaine de livres, vous ne pouvez pas les lire tous en même temps. Vous devez le faire l'un après l'autre. So I will stop my brief introduction of Vipassana here. So may you all be able to manage your mind under your control, to understand about our mind and body, how it is working in our life to get the wisdom. Sadhu, sadhu.